la publicité de la pharmacie qu'on a, qu'on a dû retirer parce que ça avait des connotations homophobes. Ben voyons donc là, tu sais, c'est ça, c'était à l'extrême, c'était poussé à l'extrême là. Ben oui, c'est bizarre, on dirait qu'on s'en. Mais en même temps, l'aspect de société qui est rendu matriarcal, tu sais, il y a comme les gens n'ont pas compris, il y a beaucoup d'avantages d'avoir une société matriarcale, une influence femme. Oui, c'est plus raisonnable, bien souvent. Mais c'est devenu que tout est dangereux, tout est. On n'a plus le droit de rien faire. Puis c'est rendu que les gars sont rendus très féminisés. Tu regardes des annonces de Renault Depot, de Rona ou de n'importe quel. Écoute, tu vois les gars qui sont avec leurs femmes, puis le gars veut s'acheter une drill, puis tu sais, il faut qu'il demande la permission à sa femme. Puis à un moment donné, elle dit oui, achète-toi la drill. Là, il fait, t'es sérieux, tu veux? Elle dit oui, mais tu vas faire le deck. Hey, Chris! Si tu veux te m'acheter 12 séchoirs à feu et des fers plats au moment caliste, mais si tu veux m'acheter 8 drills, je m'en sers pas. J'ai le droit d'en vivre. Ah, mais il y en a qui ont dit ça 45 ans de leur vie, là. Eh oui. Une Germaine, tous les bonhommes rendent un certain âge, ils disent toute la même affaire. Ah, oh, moi, j'ai réglé le problème. Je t'en parle plus. Hey, c'est-tu triste, hein, Chris? Es-tu heureux d'une relation? Tu fais, hey, j'ai compris comment ça marche, je parle plus. Waouh, bravo, vous avez tout compris, monsieur. Hey, moi, j'amènerais mon père à la taverne, je disais, là, arrête de dire des affaires de même, là. Je parle plus. Non, parle justement. Tu sais, faut s'exprimer. Hey, Pete. Oui. Tu parles de société matriarcale. Moi, aujourd'hui, je la trouve un peu dépassée, celle-là. Il y a un coroner qui dit que si on se fait prendre à jaser au téléphone cellulaire, ils vont nous enlever pour un mois notre cellulaire. Tu sais, comme quand on avait des enfants, pas là. Vrai. Ben ouais, c'est ça qu'ils disent. Tu sais, quand t'as des enfants, bon, je vais t'enlever ton jouet ou ton Tonka, là, parce que t'as donné une tape à ta sœur, tu sais, des affaires de oui, même. Mais c'est ça fait dur. C'est matriarcal. Qui dit matriarcal, dit maternel. Tu comprends-tu? Puis les gens se retrouvent à être maternés. Puis là, ça fait on est en train de faire des générations de monde qui vont se déresponsabiliser de leur. Fait que là, c'est tout le temps de la faute du gouvernement. Puis on se laisse gérer. À un moment donné, tu dis au gouvernement, non, écoute, c'est pas vrai, là. Là, vous avez une sacrée à peine. Tu sais, je vais te donner un exemple. S'attacher en voiture, moi, je pense que le bon sens, c'est de s'attacher. OK? Mais entre toi puis moi, là, la réalité, là, c'est si maintenant je fais un bulldozer ou un arbre, là, c'est moi, c'est ma vie. Mais le gouvernement me dit, puis la Société de l'assurance automobile me dit, t'es obligé de t'attacher parce que, écoute, ça va être très grave. Mais la réalité, c'est que c'est ma Christie de vie, moi, là. Ouais, c'est rendu qu'on va avoir un détecteur radar, là, une photo radar, à peu près aux 3 km dans la ville de Québec l'an prochain, là. C'est à peu près ça, là. Rendu là, mettez un char qui roule à 100 km heure, puis arrêtez ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, rendu là, je veux dire, écoute, moi, en tout cas, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur en tabarouette. Là, je pense que quand on était jeune, là. Oui, je me suis assassiné avec ma blonde en fin de semaine. Elle dit, ouais, arrête de chialer. Elle dit, au Québec, on est libre. Si on se compare à d'autres pays, mais de moins en moins, justement. Puis il me semble qu'on se ferme la trappe, on devrait dénoncer ça. Ils nous contrôlent partout, là. C'est rendu qu'on n'a plus le droit de manger ce qu'on veut. Faut s'attacher. On n'a plus le droit, il n'y a rien. À rien. Le gouvernement est dans nos vies partout. Tu mets un enfant au monde, il faut vraiment qu'il soit enregistré au gouvernement, puis tout le tralala, ça arrête pas, c'est au quotidien. Si les gens s'assoient puis ils analysent ça un peu, là, c'est pas vrai qu'on l'a tant que ça, la liberté au Québec. Là. Hey, on est en train complètement de devenir une société de robots, tu sais, je veux dire, on est épiés. Il y a peut-être quelqu'un présentement qui écoute nos lignes téléphoniques, il y a des caméras partout sur tous les coins de rue. Écoute, c'est rendu une farce. Puis en plus, les gens embarquent là-dedans. Exemple, juste avec les iPhones puis les téléphones un peu plus intelligents. Écoute, mettons, tu vas prendre bière un soir puis tu fais une grimace, tu ris, tu fais une connerie, t'as de l'air d'un innocent. Il y a quelqu'un qui t'a posé, tu te ramasses sur Twitter, tu te ramasses sur Facebook, t'es tout le temps sur le bord d'avoir de l'air cave à quelque part, puis tout le monde est hostile. En tout cas, moi, ça me fait bien peur, l'espèce de futur qu'on s'enligne là, parce que les gens, justement, sont tellement plus responsables de rien, parce que c'est tout le temps la faute du gouvernement. Mais là, c'est juste réapproprié. Puis moi, ma vie, elle a commencé à évoluer il y a à peu près une dizaine d'années, quand j'ai décidé que tout ce que je vivais et tout ce qui m'arrive, ce ne sera plus jamais de la faute des autres. C'est de ma faute à moi. Ça va être tes décisions, toi. Mais la fille a été méchante. Oui, mais si t'arrêtes comme faut, là, tu l'as enduré, puis tu t'étais sûrement pas avec elle pour les bonnes raisons. C'est fini, c'est plus la faute des autres. C'est de ma faute à moi, ça. Ouais, si t'es pas content dans la relation, là, prends la décision de quitter la relation. Puis c'est le monde qui se plaint parce qu'ils ont perdu le job. T'en connais-tu, toi, des boss qui congédient des bons employés? D'habitude, tu conjudies pas mal, à moins que t'aies le mot du syndicat dans le cul, là. T'es pogné avec ça, qui là, c'est une histoire d'ancienneté plus que de compétences, là. Mais en général, si t'es pas syndiqué, c'est rare qu'ils conjudient meilleur. C'est assez rare. Exact. Puis ça, c'est une autre affaire. Les syndicats en Europe, c'est le même principe que l'immigration. Les syndicats, je veux dire, ça a été dans les années 50. Écoute, le travailleur est exploité complètement. On a inventé le syndicat pour aider le peuple. Là, c'est rendu que, écoute, t'es obligé, t'es pogné à la gorge. C'est devenu que même toi, c'est un bon entrepreneur. Écoute, c'est même plus toi qui gères ta propre compagnie tellement que les syndicats sont rendus forts. Alors, c'est une mafia. C'est hallucinant. C'est ça. On a...